au moment où il va, avant de faire le recours. Donc il fait le takbir, Allah Akbar. Ça veut dire qu'il a fini l'action précédente et il va aller sur une autre action, qui est al-rukou', l'inclinaison. Wa law tarakahu kana makruhan karahat at-tanzih wa la tabtilu salatuhu wa la yasbilu lis-sahw wa kadhalika jami' at-takbirat allati fi as-salat hadha hukmuha illa takbirat al-ihram wa law tarakahu kana makruhan karahat at-tanzih. Ici vient délaisser cet acte là, le fait de dire Allahu Akbar pour aller en inclinaison. C'est un acte détestable, vraiment de très très très détestable. Voilà, tenter le salat ou voilà, yasbilu lis-sahw. Par contre, sa prière n'est pas invalide et il n'a pas à faire de faire deux soujoud, deux prosternations, de l'oubli. On continue. Donc je disais que le recours doit être suivi du takbir. Je le disais, on traduisait donc la partie où il parlait du recours et de que le recours doit être précédé du takbir. Mais si le takbir n'a pas été fait, il n'annule pas la prière et il n'impose pas au prieur de rattraper à la fin de sa prière par deux prosternations de l'oubli. Ça, c'est ce qu'on fait quand on a un pilier qui vient à manquer dans la prière. Mais dans ce cas-là, vu que ce n'est pas un pilier, le takbir, la prière est bonne et il n'a pas rattrapé par deux prosternations de l'oubli. Wa kadhalika jami' at-takbirat allati fi as-salat hadha hukmuha illa takbirat al-ihram. Donc ici, et il est ainsi par rapport à tous les autres takbirs de la prière. Son statut est ainsi, c'est-à-dire qu'il n'invalide pas la prière, on n'a pas besoin de refaire deux prosternations, sauf le takbir du démarrage, enfin du début. On est obligé de faire le takbir al-awwal, le premier, pour entrer en prière. Pourquoi ? Parce que c'est un pilier et qu'elle n'est valable qu'avec ceci. C'est-à-dire que l'entrée en prière. وَقَدْ قَدَمْنَا عَدَّ التَّكْبِيرَاتِ الصَّلَاتِ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاتِ. Et il a été précédé les sujets concernant le takbir à l'entrée de la prière et a été détaillé. C'est ce qu'on avait vu dans il y a quelques chapitres précédents. وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةً. Et il a été rencontré par l'imam Ahmed dans une des versions. أَنَّ جَمِيعَ أن جميع هذه التكبيرات واجبة. Et il a été donc rapporté selon une version de l'imam Ahmed que toutes ces takbirat est une obligation. C'est des avis. وهل يستحب مدة مد هذا التكبير؟ Est-ce qu'il est autorisé de prolonger ce takbir, de dire Allahu Akbar? فيني قولان للشافعي. Rahimahullah, il y a deux avis de l'imam al-Shafi'i à ce sujet-là. Asahhuhuma wa huwa al-jadid yustahab madd ila an yasilu ila hadd al-raki'in fayashtaghil bit-tasbih ar-ruku' alla yakhlu juz'un min salatihi an al-dhikr. Donc il a dit oui, qu'il est bien de prolonger afin que ceux qui soient derrière, donc les prieurs, ceux qui prient derrière, leur parviennent le takbir et qu'ils comprennent qu'ils sont dans une autre phase et que ça leur permettra de faire l'invocation qui est spécifique au recours, par exemple. بخلاف تكبيرات الإحرام. Contrairement à le takbir de l'Ihram. فإن الصحيح استجد استحباب ترك المد فيها. Et donc le mieux, فإن الصحيح, le mieux c'est d'éviter de trop prolonger. لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها, car il a besoin donc de préparer son intention, de se concentrer sur son intention. فإذا مدها شق عليه وإذا اختصرها سهل عليه. Car s'il vient prolonger le temps, il sera, enfin, ça sera trop long pour qu'il puisse se conditionner. Et s'il vient être raccourci, c'est plus simple pour lui. وهكذا حكم باقي التكبيرات وقد تقدم إيضاح هذا في باب التكبيرات الإحرام والله أعلم. Alors, on continue. Donc, le takbir. On finit deux avis, enfin deux preuves sur ce qui a été mentionné. Alors, al-faslu. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فإذا وصل إلى حد راكعين, donc lorsque ce takbir parvient à l'un des prieurs qui va qui va partir en recours, donc qui va faire le recours. Donc il s'occupera à faire cette invocation. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Ça c'est bon, je pense que tout le monde le connaît, et c'est la base. Tout le monde fait celle-ci. Mais il y en a d'autres. Donc celle-là c'est le minimum. فقد ثبت في الصحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران سبحان رب العظيم ومعناه كرر سبحان رب العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. Donc il a été rapporté, il a été rapporté fermement ou avec un avis assez fort dans le Sahih de Muslim d'un hadith qui a été rapporté par Abu Hudayfa. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est Hudayfa ibn al-Yaman qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son recours Subhan Rabbil Azim, mais la manière dont il disait, ça prenait le temps de la lecture de l'Baqara, de Nisa et de Ali Imran. Donc, vous imaginez un peu le temps que ça qu'il prenait. De toute façon, la prière qu'on a au jour d'aujourd'hui, la prière que eux, les compagnons avaient, on est à des années-lumière de leur pratique, ça c'est un fait. Et donc en gros voilà, ils disaient cette invocation là et le fait qu'ils nous ont dit qu'ils prenaient autant de temps et que ça équivalait, c'était équivalent à la récitation de Surat al-Baqara, de Ali Imran et de An-Nisa, ça veut dire que c'était des longs recours. Et en fait normalement chaque position ou chaque État doit prendre suffisamment de temps et qu'on ait, on va dire, de toute façon, si Allah le permet, on verra un livre qui s'appelle Kitab Sifat al-Salat min Sharh al-Umda de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, on verra ces chapitres-là, bismillah. Donc, son sens, le fait qu'ils disent ça et que ça prenait autant de temps, donc en fait son sens c'est qu'il répétait cette parole Subhana Rabbil Azim à un certain nombre de temps et ça a été rapporté donc dans les sunan aussi de Abi Daoud wa ghayrihi wa ja'a fi kitab as-sunan annahu sallallahu alayhi wa sallam qal, et il a été rapporté dans d'autres livres de sunan, je vais essayer de voir, akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah kalahuma كلاهما من حديث عون ابن عبد الله ابن عبد المسعود وهو إسناد ضعيف انقطاعه. Donc il a été rapporté donc dans les sunan. Et donc inchallah c'est un hadith bon, hasan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه. Celui qui dit trois fois pendant son recours Subhana Rabbil Azim, trois fois, il a accompli son recours, lui a donné son droit. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Donc, il a été rapporté de sources authentiques d'un hadith de Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul disait lors de son recours et lors de son sujoud, donc au moment où il était en position de recours et au moment où il était en position de prosternation, subhanaka lahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Cette invocation-là, normalement, vous l'avez dans la citadelle du musulman. Et comme je vous l'ai dit, ce livre, c'est plus pour nous faire un rappel d'une manière générale des différentes invocations et actions et adorations, finalement, qu'on a tout au long de notre journée et de notre vie et qu'on se doit d'appliquer, de pratiquer à un moment donné. Donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'après, bon, il y a d'autres versions. Vous retrouverez dans la citadelle du musulman où il y a d'autres invocations qui sont citées au moment du recours et au moment du souvenir. Hein, le but, c'est vraiment de mentionner, de citer quelques hadiths. Donc, il a été établi le statut du recours, de l'invocation du recours. Ensuite, on a cité quelques preuves et d'autres choses qu'on peut dire pendant le recours, mais vous le trouverez dans la citadelle. Donc, on s'arrête là. Et, là, ce sera Beb ou Yaroul ou Fi, Rafi, Rafi, Minar, Rougoui, Wafi, Rettidali. Donc, au moment, donc l'action suivante qui est au moment de se lever du recours. Qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, on s'arrête pas là. On commence le faire plus, Inch'Allah. Qui étaient les interdictions. Le deuxième point qui concernait les actes détestables. Et le troisième point, c'est ma yustahabu salasatu. C'est concernant donc ce qui est recommandé au moment de faire ses besoins. Qawluhu ce qui est recommandé, ce qui est préférable de faire, est au nombre de trois, lorsqu'on veut faire ses besoins. La première des choses, l'istihbab, huwa ma amara al-shari'u bihi laysa ala sabil al-hatmi wal-ilzami bihaythu yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqibu tarikuhu wa in kana maluman. L'istihbab, c'est une règle parmi les règles du Usul al-Fiqh et qui implique une chose, c'est que celui qui le fait en cherchant à s'appliquer et à le faire en cherchant à se rapprocher, en faisant de recopier ou de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire comme lui l'a fait, donc, on est récompensé. Et celui qui le délaisse, voilà, yu'aqibu tariku. Et ce hukm-là, l'istihbab, c'est que celui qui le fait en cherchant à se rapprocher d'Allah, en faisant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, est récompensé. Et celui qui vient délaisser cette action n'est pas châtié. Il ne prend pas de péché. Ça, c'est un hukm. Parmi les ahkam shara'iyya dans Usul al-Fiqh. On avait déjà cité hein, le muharram, ce qui est interdit, al-wajib, ce qui est obligatoire, al-mustahab, ce qui est recommandé, al-makruh, ce qui est détestable, et ainsi de suite. Ça, ce sont des actes, ce sont des règles juridiques qui indiquent quelque chose. C'est-à-dire celui qui le fait, qui est récompensé ou châtié, celui qui le délaisse. En fait, ça implique plein de choses. Donc, l'istihbab, le hukm de l'istihbab en soi, celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui ne le fait pas, il n'est pas châtié. Il n'a pas de péché. Vous avez compris ? Donc, l'istihbab, c'est pour ça. Pourquoi il a commencé par l'istihbab ? Parce que le chapitre commence par ça. Ma yustahabbu thalathatun. Ce qui est recommandé est au nombre de 3. Et ensuite, il a donné, il va déterminer le terme al-istihbab fi shar' dans la législation islamique. Huwa ma amara ash-shari'u bihi laysa 'ala sabil al-hatmi wal-ilzami bihaythu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqibu tarikuhu wa in kana maluman. C'est ce que le législateur a déterminé dans cette action, donc faire ses besoins, d'une manière, comment ça s'appelle, pas d'une manière, on va dire, globale, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a un statut, comment ça s'appelle, de péché derrière, mais du fait que celui qui le fait, qui accomplit cette action en se rapprochant d'Allah et en recopiant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, sera récompensé. Et celui qui ne fait pas n'a pas de péché. Ça, c'est le statut de l'istihbab. C'est-à-dire que quand vous allez voir, quand vous allez lire un sujet où ça parle de recommander, pas recommander, vous savez que si vous le faites, vous êtes récompensé. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas châtié. Contrairement à l'obligation, contrairement à l'interdiction. Voilà, il y a un truc qui peut arriver, donc celui qui ne le fait pas, il ne peut pas pécher. Même s'il vient le délaisser volontairement, elle passe mal. Ça, c'est bien parce que vous allez finalement, comme je dis avec le temps, commencer à comprendre les différents statuts, comment ils sont appliqués, comment on les aborde. Qawluhu al-basmala. Ensuite, c'est la première des choses qu'on doit dire, c'est al-basmala. Al-basmala, c'est le fait de dire bismillah. D'accord ? Al-dalil ou la preuve, an Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, satru ma bayna a'yuni الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول اسم الله. Donc Allah, le compagnon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc le voile, la barrière qu'il y a entre les yeux, بين أعين الجن, entre eux, donc les djinns, et les parties intimes, ou du moins l'intimité de بني آدم, donc les enfants de Adam, c'est lorsqu'il rentre dans les toilettes ou lorsqu'il va pour faire ses besoins qu'il doit dire bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, la condition pour que Allah mette un voile entre nous et eux, au moment où on veut faire un besoin, on doit dire bismillah. Mais après, il y a des shayatin, étant donné qu'ils ont déjà une bonne emprise et une bonne place dans le corps de l'individu, il va lui faire croire finalement avec ses wes-wes, non, je le vois en fait, et ainsi de suite. Alors que non, il ne le voit pas. Mais c'est juste qu'il est en train de tester ta conviction, tout simplement. Donc si tu doutes, eh ben, il le voit. Si tu crois fermement à ce qu'Allah t'a dit, et tu t'en tiens à ce qu'Allah t'a dit, il ne te verra pas, même s'il vient dire le contraire. Il va te faire croire le contraire. Donc le hadith, il est clair, c'est un hadith authentique, rapporté par Ibn Majah. Et il a été rapporté dans صحيح الجامع. Donc la première des choses qu'il faut faire quand on va faire ses besoins, c'est on doit dire bismillah. Pareil, lorsqu'on doit se déshabiller pour mettre un autre vêtement et on va se mettre à nu, on doit dire bismillah. Et en ayant la conviction claire que les shayatines et personne ne vous voit. Même s'il vient à vous mettre des waswas, je te vois, tu vois rien du tout. Parce que ou c'est toi qui as raison, ou c'est Allah qui a... si c'est toi qui as raison, ça veut dire qu'Allah il a tort. Et hacha lillah. Oui, même dans les toilettes. Même dans les toilettes, quand tu vas, bah justement, à la base, c'est pour ce moment-là qu'il est recommandé de faire la vocation. Au moment où on rentre dans les toilettes. Au moment où tu rentres dans les toilettes, tu dis bismillah. Al-basmalatu inda dukhul al-bayt al-khala. C'est au moment de rentrer dans les toilettes, on doit dire bismillah. D'accord. Abdalil ou... Donc, non, là, donc, là, on va voir un autre point. Donc, le premier point, vous l'avez compris. Abdalil ou... Ou qawluhu... Al-isti'adatu qabla dukhul. Al-isti'adatu qabla dukhul. De demander la protection avant de rentrer dans les toilettes. Du moins, en rentrant dans les toilettes. C'est-à-dire... dans l'action de rentrer dans les toilettes, on fait cette invocation-là. La preuve est dans le hadith qui a été rapporté de Anas ibn Malik. Qala, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi. Cette invocation aussi, vous l'avez dans la cité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il est rentré dans les toilettes, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Donc ça, c'est une invocation que vous retrouverez dans la citadelle du musulman avec sa traduction. Et qui est en gros, oh Allah, je te demande la protection contre al-khubuthi wal-khaba'ith. Et ça, c'est les djinn. Et dans une autre version, lorsqu'il veut rentrer, pas lorsqu'il rentre, lorsqu'il a l'intention de rentrer, il fait cette invocation. Qawluhu تقديم الرجال اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. Le fait de commencer ou de rentrer, de précéder par le pied droit à l'entrée et de sortir, de rentrer par le pied gauche et de sortir par le pied droit. Là, c'est ce qu'on va voir. وجملة ذلك أن الأصل تقد تقديم اليمنى في كل شيء. Et on sait que à la base on sait que normalement on commence par le droit. Enfin, à la base c'est normalement établi, on commence tout par le pied droit ou par le côté droit. Et on fait tout on finit par le pied gauche par le côté gauche. Et là c'est l'inverse. On rentre par le pied gauche et on sort par le pied droit. La preuve est dans le hadith où Aïcha radiallahu anha a dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu al-taymounu fi tan'a'uduhi wa tarjullihi wa tuhurihi wa fi shatnihi kulli. » Alors, le hadith a été rapporté par Aïcha radiallahu anha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer toute chose. Quand il commençait toute chose, il aimait commencer par la droite. Lorsqu'il enlevait quelque chose, donc dans chaque chose, en fait, quand il s'habillait, quand il se déshabillait, quand il se purifiait, ainsi de suite. Donc dans chaque chose, à chaque fois qu'il commençait une chose, il commençait par la droite. Parce qu'il aimait et il finissait par la gauche. Dans chaque chose. Sauf, comme on vient de le dire, là dans les toilettes. Quand on veut faire ses besoins. Lakin huna taqaddam ar-rijl اليسرى عند دخول الخلاء من باب التنزيه لمكان كما الرجل اليمنى عند دخول المسجد استحسانا. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il débute une action, alors on va dire, même si c'est une action, c'est un début, c'est on va dire, c'est la continuité de l'action de, enfin, de, tu t'es habillé le matin, au moment de veille, et tu veux te changer. C'est l'inverse qui se produit. Tu enlèves du côté gauche, comme quand tu t'habilles, tu commences par le pied droit, enfin, quand tu mets des chaussures ou chaussons ou quoi, et quand tu les enlèves, tu enlèves par le pied gauche. On le verra, ça. On le verra avec l'épreuve. Donc, sauf dans ce cas de figure-là, on commence par le pied gauche et on finit et on rentre par le pied gauche et on sort par le pied droit. Et contrairement à la mosquée, donc quand on rentre à la mosquée, on rentre par le pied droit et on sort par le pied gauche. Ah, Ibn Uthaymin, rahimahullah, Ibn Uthaymin, c'est un savant plus ou moins contemporain, qui est mort, فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى في عكسه فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى لأنه خروج إلى أكمل وأفضل مثل ذلك فإذا كان اليمنى إلى Si on commence par le pied droit, Fibab Tekrim, par bienséance, ou Eliou sera fi aksihi, et la gauche à son contraire, inna huyan bari, ali an tuqaddam anda dukhuli al khala. Donc, voulu d'inverser lorsqu'on veut faire. Lorsqu'on va rentrer aux toilettes. Donc de commencer par le pied gauche et de finir par le pied droit. Et un coup, au bout du lavabo, car la sortie est mieux et plus pure. C'est-à-dire quand tu sors, voilà, on sort des toilettes, donc on sort par le pied droit. La troisième des choses à faire, ou à dire, troisième point, donc le premier point, on a dit, c'est la basmala. C'est de demander la protection d'Allah contre donc ces chayatines. Et le troisième point, c'est de dire au moment où on va sortir, donc une fois qu'on a accompli Rufranaka ba'd al-khuruj, de dire Rufranaka au moment de la sortie. Au moment de la sortie donc des toilettes. Une fois qu'on a accompli nos besoins. On doit se dire ça. Et ça, c'est un hadith qui dit. Ça, c'est un avis, donc. Et il a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui a dit قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait à sortir donc des toilettes ou qu'il sortait ou finissait de faire ses besoins, il disait « Rufranak » qui est, en gros, le mot « pardon enfin, », la racine du mot « pardon »,« Rufranak », demander pardon. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, et il était rapporté dans Sahih al-Irwan. Voilà. Donc, là, on a fini les troisièmes points et on a fini le chapitre de Ma yukrahu ou ma yustahabu babu al-qada il-haja, le chapitre des règles à suivre lorsqu'on veut faire ses besoins. On a fini donc ce chapitre-là. Ensuite, on va passer au rabi'an, quatrième point. باب السواك وخصال الفطرة. Donc le prochain chapitre, ça sera sur le siwak et le fait d'accomplir les choses qui font partie de la nature. de l'homme. Ah, c'est par exemple le fait de couper ses ongles, de se couper dans certains endroits, de ne pas les laisser un certain nombre de temps. Comment s'appelle la circoncision, et ainsi de suite. Ça, Khisal. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alors, on avait fait les tawhid. Et là, on va poser des questions. Bismillah. Alors, la première des choses, c'est tawhid. C'est ce qu'on a vu. C'est notre objectif de notre existence. C'est la raison pour laquelle Allah donc, nous a créés, afin de l'adorer, de l'unifier. Parce que l'adorer, c'est l'unifier finalement, à travers ce qu'il nous a demandé. Donc, je vais vous poser des questions. Quels sont les types de tawhid? Ce qui, on va dire, où il y a plus ou moins un consensus, c'est qu'ils l'ont défini en nombre de trois. On l'avait cité depuis le début. Donc celui qui a pris des notes, ainsi de suite, il a juste à revoir en fait les différents types de tawhid, et finalement il va plus ou moins bien formuler. Tawhid, il se divise en trois catégories. On a trois types de tawhid. Le premier tawhid, c'est le tawhid de la seigneurie. C'est le tawhid par lequel Allah interpelle sa créature de sa présence. Par le fait que c'est lui qui a tout créé, les cieux, la terre, le soleil, la lune, la voie lactée, la nuit, le jour, les mers, les océans, les montagnes, les terres, les diff, et ainsi de suite. D'accord? Donc à travers ça, Allah, en fait, il interpelle sa création. Taïb. Une fois que la créature l'a déterminé que, subhanallah, tout ce qui est autour de moi, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a quelqu'un de puissant, de au-dessus de tout qui écrit tout ça. Taïb. Donc à un moment donné, on va s'orienter, on va cheminer vers lui, ou du moins essayer d'apprendre et de comprendre. Et là, Allah va nous instruire, va nous enseigner ou va nous renseigner à ce niveau-là. C'est que une fois qu'on a déterminé, qu'on a été, on va dire, on a validé une été. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous. Et là, on est amené à at-tawhid al-uluhiyyah. L'unicité dans l'adoration, c'est comment faire afin de l'unifier à travers la shahada. Et on invite tout ce qu'il a créé, l'enfer, le paradis, le jour du jugement, et ainsi de suite. Voilà. L'adoration qu'il a recommandé de faire et d'accomplir pour lui. Ensuite, il nous a aussi informé à travers ce qu'il est lui. Donc, il s'est présenté quelque part à travers ses noms et ses attributs. Donc, à travers ces noms et ces attributs, pareil, on adore Allah. Encore une fois, il n'y a rien qui vient comme ça. Hein. C'est à force de travailler, à force. Voilà les noms, les différents types de tawhid. Est-ce que quelqu'un maintenant peut me donner une définition spécifique aux différents types de tawhid? Barakallahu fikum. Après, en fonction de chaque type de tawhid, il sera spécifié. Donc, la shahada, non. Unifier Allah dans la création. Ouais, parmi les premiers actes de la création de la seigneurie d'Allah, c'est Al-Khalq. C'est lui le créateur de toutes choses. Taïb. Ça, c'est une particularité. Ce n'est pas la base. D'accord? Donc, alors, les différences de Tawhid. Il y a quasiment la Tatib Aqsam. Tawhid, l'unicité d'Allah se divise en trois catégories. La première des choses, at-tawhid ar-rububiyyah, huwa ifradullah bi-af'alihi. Donc, on l'avait dit ça, toutes ces définitions, en fait, je ne fais que lire. Donc, ces définitions, vous les avez entendues, réentendues, et avec des explications. Donc, le tawhid ar-rububiyyah, c'est unifier Allah dans ses actions. D'accord? Huwa ifradullah bi-af'alihi. C'est d'unifier Allah dans ses actions. Et quelles sont ses actions? La première des choses, c'est Al-Khalq. Et Tadbir aussi. Mais pas que. D'accord? Donc en fait, ça fait partie des particularités de ses actions. D'accord? Oui, le khalq, c'est ce qu'on a dit. Le khalq, c'est la création. Donc, le tawhid al-rububiyya, c'est ça. Ensuite, on a vu le tawhid al-uluhiyya. Donc, dans le tawhid al-rububiyya, on avait vu pas mal d'exemples. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait vu. J'espère que vous avez quand même prendre quelques notes. Je pense que vous avez quand même un peu compris. Hein. De toute façon, c'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain ou avec une seule lecture qu'on arrive à cerner ces sujets-là. Ensuite, on a Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration, ben, c'est la même chose en fait. C'est Isra'ullah bil-ibada. Donc le deuxième Tawhid qu'on a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le tawhid al-uluhiyya, huwa ifradullah bil-ibada. Donc là, je vous donne. Vous savez, en fait, ce que je suis en train de faire, parce que je sais qu'on n'est pas tous au même niveau, au niveau de connaissance. Bon, la majorité, je pense que vous n'êtes pas à peu près dans le même niveau. Donc, je vous donne vraiment des définitions abrégées, concises, pour ne pas vous embrouiller. Parce que sinon, si on va dans des définitions, vous savez, il y a des définitions qui sont vraiment détaillées. Il y a, en fonction des madahib, en fonction des ibn, on va dire, qui ont œuvré dans ce domaine-là de la science, des définitions qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus riches. Et voilà. Mais là, ça ne va pas être le but parce que vous allez être dépassé. Là, je vous donne quelques notions, et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, parce qu'il s'adresse vraiment aux débutants. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition c'est la même, sauf que ça va changer en fonction du type de tawhid. Donc là, j'ai dit c'est huwa ifradullah bil-ibada. Donc c'est unifier Allah dans son adoration. Et le premier tawhid de la seigneurie al-Rububiyya, c'était quoi? C'est unifier Allah dans ses actions. Donc en fait, c'était ça la réponse. Quelles sont les définitions ou quelle est les définitions de chaque type de tawhid? Et bien normalement, vous auriez dû me dire, tawhid, il se divise en trois catégories. Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma, Al-Sifat. Ensuite de dire, définition de l'unicité. Les définitions de l'unicité, en fait, elles devaient se construire de cette manière-là, c'est de dire, le premier tawhid, qui est le tawhid de la seigneurie, et ça consiste en d'unifier Allah dans ses actions. Ok. Quelques exemples. Dans la création, dans le fait que c'est lui qui gère tout. C'est lui qui pourvoit à ses créatures. C'est lui qui est le garant de toutes choses, et ainsi de suite. Ça, c'est le tawhid dans la seigneurie. Ensuite, qu'est-ce que le tawhid dans l'unicité? Le tawhid al-uluhiyya, c'est d'unifier Allah dans son adoration. Après, on va prendre comme exemple de son adoration, Ash-Shahadatayn, par exemple, l'attestation de foi, ensuite la prière, c'est-à-dire dans son adoration, c'est-à-dire qu'est-ce que lui a déterminé en être une adoration et qui nous a demandé de l'adorer de cette manière-là. Hada huwa at-tawhid al-uluhiyya. D'accord? Ça veut dire qu'on ne doit faire que ce que Allah nous a demandé de le faire et c'est comme ça qu'on l'unifie et qu'on l'adore. Pas dans des actions qu'on a imaginées dans notre tête, ou que des générations ont commencé à innover, ou les coutumes, ou les traditions. Pourquoi on fait ça? Je ne sais pas, c'est comme ça. Nos ancêtres, ils faisaient comme ça, ou ma grand-mère, ou mon grand-père, ou au bled, ils font comme ça, ou dans la mosquée, ils font comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on adore Allah. On adore Allah en fonction de ce qu'il a déterminé. Ça, c'est l'unicité dans l'adoration. Ensuite, on a le tawhid des noms et des attributs d'Allah, c'est ifradullah bima samiya sumiya wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'unicité dans les noms et les attributs, c'est d'unifier Allah bima samma, comme il s'est mentionné, et comme il s'est attribué dans son livre, et sur la langue, à travers la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'instant, on est dans les définitions. Pour que lorsqu'on va commencer à rentrer dans des explications, et bien que ça se forme dans l'esprit de chacun. Vraiment, c'est une méthode comment ça s'appelle, une méthode qu'on essaie d'avoir pour que ça soit vraiment construit, en fait. On essaye à travers notre démarche de construire. Parce que de faire des rappels comme tous ceux qui font des rappels sur Internet, ainsi de suite, voilà, c'est du vent, par des avis. Il n'y a pas de sujet concernant la croyance, on ne va même pas rentrer dans la profondeur de ce sujet-là. Juste la base, ce mot de Aqida et ce qu'il en est réellement, personne n'a vraiment eu de cours ou a pu créer des cours à un moment donné, peut-être certains oui par ce temps-là, mais aujourd'hui, et depuis un certain temps, le sujet du dogme est étranger pour la majorité des musulmans. Et c'est malheureux parce qu'on peut même se poser dans ce cas-là la question, est-ce que je suis musulman ? Ce que je sais, c'est comment faire la prière, les conditions de la prière, le comportement, le jeûne, le hajj, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il en est de mes croyances ? Sachant que mes croyances elles-mêmes sont erronées, on sait que les actions sont une continuité. L'affirmation de notre croyance pourquoi je prends le temps de vraiment expliquer cette matière-là pour que chacun ait, on va dire, des bases, Inch'Allah, saines, mais vraiment de commencer avec le commencement. Et au fur et à mesure que chacun va peut-être te lire à droite, à gauche ou écouter, bah, ça va être un peu plus construit. Le but, c'est que ça soit construit dans notre esprit. Donc, ce que tu as dit sans comparaison, ça va être des comptes, ça va être des explications qui vont venir. C'est-à-dire, dans les noms et les attributs d'Allah, oui, là, à ce moment-là, on va voir, il y a des règles. Et parmi les règles, c'est ce que tu viens de citer. Pas de comparaison, pas de faire des analogies entre lui et nous, et les actions de ses serviteurs, comme ses actions, et ainsi de suite. Ça, on le verra. Mais là, je parle de définition. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque définition, dans l'esprit de chacun, ça va être construit. L'unicité dans la seigneurie, c'est ça. Ça implique ça. Taïb. Ensuite, ça nous amène à Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, c'est ce qu'on vient de définir, c'est unifier Allah à travers les adorations que lui a déterminées et a légiférées. Taïb. Donc, comme Al-Shahadatayn, Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu, et bon, on va rentrer dans d'autres sujets. Et ensuite, il y a le tawhid, l'unicité des noms et des attributs d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'unifier Allah parce que lui, parce que lui a mentionné le concernant et dans ses noms et ses attributs qu'il nous a transmis dans le Coran à travers la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a vu les définitions. Ensuite, on verra les différentes caractéristiques ou les différentes... différents exemples et des explications concernant ces trois points. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais quand on voit leur da'wa, comment elle s'oriente et comment quelle voie elle prend, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sinon, c'est un tawhid théorique. C'est-à-dire que c'est juste au niveau de la théorie. Ils savent l'expliquer, ils l'ont plus ou moins lu à un moment donné dans leur vie. Mais concrètement, dans l'action, bah, ils ne savent pas le reproduire. Et il est là le problème. Donc, la définition de Charles Ajeu, vous l'ai marqué tout à l'heure, et je vais vous demander de l'écrire parce qu'elle va être reposée comme question. Pourquoi ? Parce que c'est la manière dont vous allez la trouver dans les autres livres de Aqida. Si j'insiste, c'est pas pour rien. J'espère qu'Allah me récompense à travers cette action-là et que ça puisse produire l'effet escompté. Inch'Allah ta'ala. Amen. Donc, bismillah, al-tawhid al-uluhiyya. Al-tawhid al-uluhiyya. On a dit que c'est. Ah, on avait vu. Ah oui, on avait vu un peu quelques explications. Donc, al-tawhid al-uluhiyya. Al-uluhiyya, sifatun min sifatillahi azza wa jalla, ou jalla jalalu. مأخوذة من الألوه من الألوهة ومعناها المعبود مع المحبة والتعظيم. Donc l'ulouhiyya c'est un attribut parmi les attributs d'Allah qui a été tiré d'une racine, de la racine al-aluha, donc la divinité. وَمَعْنَاهَا الْمَعْبُودِ et son sens c'est celui qui est adoré par amour et vénération. D'accord. Même ça c'est des définitions qu'à un moment donné, voilà, il va falloir apprendre. Mais j'espère, dans votre parcours dans le sujet, dans la matière de la croyance, j'espère que vous preniez le temps nécessaire et vous allez voir que finalement, tout ce qu'on est en train de dire, ça va, avec le temps, être un peu plus clair. Et franchement, je vous incite à lire et à lire, à écouter, surtout pendant ces périodes de troubles. La seule chose aujourd'hui qui va pouvoir nous sauver ou que Allah va nous sauver à travers ça, c'est qu'on est conforme et ferme dans ce sujet-là de la croyance. Walau kariha al-mushrikoun, walau kariha al-munafiqoun, walau kariha al-murtadoun, et que cela en déplaise aux associateurs, aux hypocrites et aux apostats. Ce que je veux dire par là, c'est que le chemin qu'on emprunte à un moment donné, il faut savoir qu'Allah, s'il nous guide, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc, quoi qu'il arrive, il faut suivre ce chemin, même si on est seul. Et c'est sûr qu'on le sera de plus en plus. Vu comment la société va se resserrer, des gens vont devoir faire des concessions. Déjà que c'est déjà le cas avec tous ces prédicateurs en carton qui préparent un peu ce chemin, enfin, un peu cet égarement. Bah, on l'a vu depuis le temps, hein, jusqu'à maintenant. D'accord? Et ils continuent. Voilà. Le rapprochement des religions, le fait de parler beaucoup nos frères en humanité, ainsi de suite. On n'a même plus de conception de s'émanciper ou de se réapproprier notre idéologie et tout ce qui en découle. Non, en fait, il nous propose de fusionner, de nous fondre. C'est pas de nous fondre, hein, parce que finalement, c'est plus que ça qu'il nous demande. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est une communauté inexistante. Mais non, eux continuent dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on peut dire, hein, eux, le dogme, si vraiment ils avaient un peu de dogme, ne serait-ce qu'un minimum au niveau intiqad, il y a des choses qui se passeraient d'évoquer. Mais bon. Allah al-Mushtaka. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, qawluhu huwa ifradu Allah bil-ibada. Donc, la définition qu'on avait donnée, qui est le fait d'unifier Allah dans son adoration, c'est-à-dire dans ce que lui a légiféré en termes d'adoration, qu'on ne doit vouer qu'à lui, comme la prière, on ne doit la vouer qu'à lui. Le sacrifice, la vie et la mort, et ainsi de suite. هذا التعريف التوحيد الألوهية في الشرع. Donc pourquoi je vous ai dit que c'est important et je vais vous la faire écrire, parce que le cheikh a dit c'est une définition, ce tawhid là comme on vient de citer, c'est une définition qui a été définie par la législation. أو في الشرع, ça veut dire dans la législation islamique. D'accord. ومعناه et son sens ou ce qu'il en est, أنه يجب على العبد أن يفرض الله بالعبادة. Donc, son sens en fait de cette définition, c'est une obligation pour le serviteur d'unifier Allah par l'adoration. فلا يشرك معه أحدا غيره. Et qu'il n'a pas à associer avec lui quoi que ce soit. La vraie inimitié ou la vraie haine qu'on a entre nos opposants, c'est à ce niveau-là. Parce que la majorité des gens, comme Allah il le dit, وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu viens à leur demander qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Donc en fait, on ne diverge pas spécialement. Bon, à part aujourd'hui, on a une génération de satanistes et ainsi de suite, ça c'est autre chose. On va dire dans les générations un peu précédentes, on avait des gens qui avaient encore une foi, même si elle était erronée, parmi celle de la chrétienne, enfin des chrétiens ou des juifs, qui a été abrogée à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. D'accord, mais il restait quand même une certaine notion, certaines bases, certaines conceptions, d'accord, qui a été effacée avec le temps par justement les serviteurs de Shayatan et de l'Antéchrist et qui ont complètement manipulé à travers la franc-maçonnerie, que ce soit le christianisme, le judaïsme et malheureusement l'islam. Donc j'ai dit oui, voilà, faut essayer de prendre des notes et ainsi de suite. Si vous ne comprenez pas, je vais revenir sur tout ça, parce que l'objectif, encore une fois, il est au niveau de la croyance, au niveau de l'adoration. Les dissensions qu'il y a eu entre les différentes civilisations et les différentes religions, c'est que la différence, elle se fait au niveau de l'adoration. D'accord ? Les gens reconnaissent. Ok, mais à partir du moment où ils reconnaissent Allah, pourquoi ils ne l'adorent pas donc conformément à ce que lui l'a révélé? Ben parce que voilà, il y a une manipulation derrière d'Iblis et de ceux qui ont suivi son chemin et qui fait que ils ne sont pas conformes à ce qu'Allah a voulu en termes d'adoration. Voilà. Donc c'est important et on va revenir sur ce sujet-là. Donc si vous avez besoin d'écrire ou de réécrire ou de reprendre des notes, dites-moi si vous avez besoin. Parce qu'on va revenir sur ce sujet-là, sur ce chapitre-là, une fois qu'il sera fini, avec des questions. Parce que c'est vraiment la base, comme vous venez de le voir, c'est des définitions qui sont prises vraiment des livres des gens de science, et que c'est des choses qui, alhamdoulilah, sont sourcées. Donc la définition de l'adoration dans la langue arabe, تدل والخضوع يقال طريق معبد معبد أي مذلول ومهينا للمسير عليه لسان العرب مدد. En fait, l'ibada lughatan, c'est التدلل, c'est une والخضوع, c'est pas l'humilité, l'humiliation. C'est le. S'il y a des gens qui ont des informations, des mots qui peuvent aider, n'hésitez pas. Parce que moi, au niveau de certains mots, je ne suis pas très spécialiste dans les traductions. J'essaye de traduire à peu près le sens. Après, il y a des mots, des fois, qui m'échappent un peu. Al-Khudou, je saurais l'expliquer, mais avec plusieurs mots. Donc, s'il y a quelqu'un qui a expliquer une définition un peu plus correcte. Inch'Allah, qui n'hésite pas. Tariq mu'abbad ay mu'madloul. Donc, c'est une voie qu'on emprunte. Al-ibada, il va donner des exemples. C'est une voie qu'on emprunte dans la langue arabe. Attention, dans la langue arabe, c'est une voie qu'on emprunte. Al-khudu'a, je dirais, par résignation. Voilà. Donc al-khudu' c'est comme une résignation, quelqu'un qui se résigne à prendre cette. Yuqal tariq mu'abbad ay madloul. Tariq mu'abbad, c'est une voie qui est utilisée. Ay madloul, c'est une voie qu'on suit. Mu'ayyinan lil masir 'alayh. Wa shar'an hiya ismu jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Donc là, on a vu la définition en langue arabe, et dans la langue arabe, et la définition dans la législation, IA, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et parmi les actions cachées et visibles. Notez là cette définition parce que je vais vous la demander. Shar'an, dans la législation islamique, le mot al-ibada, c'est un nom général. Ismun jami'u. Jami'u. Li kulli ma yuhibbu Allah. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes, aussi bien cachés que apparents. Donc je répète, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actions cachées et apparentes. Et on s'arrêtera sur ça. Et on essaiera de faire un peu vite pour faire un peu le tour de l'actualité rapidement, même si ce n'est pas dédié à ce court jeu, enfin ce moment-là. Vu la nécessité et l'état d'urgence dans lequel on se trouve, on va faire un petit point rapidement. Ces questions, je vous les reposerai. Donc, parmi les exemples de la définition qu'on vient de donner, d'accord ? Donc, as-salat, wa-zakat, wa-siyam, wa-l-hajj. Donc, as-salat, wa-zakat, wa-siyam, wa-l-hajj, wa-sidq, wa-sadq, wa-sadq al-hadith, wa-ada'u al-amana, wa-bir al-walidain, wa-silatu al- وسوق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والملوك من الأدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. طيب. Donc là, il a donné des exemples chers concernant les adorations. En fait, franchement, je me dis normalement, vous devriez prendre des notes. Et ces notes, elles devraient être construites. Pourquoi ? Parce qu'on part sur un livre qui, on va dire, qui a une certaine méthodologie. Donc en fait, à chaque fois, c'est que on rentre dans un sujet. Donc on va marquer le titre du sujet. Étant donné qu'après c'est tous les livres sont, on va dire, un peu construits comme ça. C'est en fonction du terme, du sujet qu'on va étudier, qui va être défini selon deux manières. C'est qu'on va prendre la définition d'une manière générale chez les gens de science. Ensuite, on va voir sa définition d'un point de vue linguistique dans la langue arabe. Après, d'un point de vue religieux, c'est-à-dire dans la législation islamique, pour voir justement les corrélations qu'il y a entre toutes ces différentes manières d'aborder et d'étudier les mots. Donc, il y aura une science des mots. Et il y a une science qui s'appelle fiqh al-lura, ou fiqh al-ma'ani, la jurisprudence des termes. Et après, en fait, en fonction de chaque truc, de chaque terme, de chaque domaine qu'on va avoir, il y aura forcément une définition que je vais vous traduire et que je vais appuyer pour vraiment vous attirer l'attention. Et après, il va y avoir des exemples. Donc, en fait, celui qui suit un peu comment on essaye de fonctionner, à un moment donné, vous allez avoir, on va dire, forcément un livre qui va se faire, en fait, en fonction de ce que vous avez pu prendre et capter comme information. Donc là, vous voyez, on a vu la définition, on a vu dans la langue arabe, dans la législation. Ensuite, le mot en lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire dans la législation, c'est-à-dire « al-ibada » Et on a vu maintenant, on va voir quelques exemples d'adoration. Voyez, le but, c'est vraiment que ça soit construit. Donc la prière, la zakat, l'aumône purificateur ou l'impôt purificateur, donc, après, on a le jeûne, après, on a le hajj, après, on a la véracité dans nos propos, qui fait partie des adorations. Donc là, il a donné un ensemble d'adorations. Comme on voit à la salat, c'est quoi ? C'est une action ou est-ce que c'est une parole ? Par rapport à la définition qu'on vient de voir, eh bien, c'est une parole, c'est une action. Ok, c'est une action cachée ou apparente ? Ben, c'est une action apparente, parce qu'on fait la prière. Ensuite, az-zakat. Az-zakat aussi, c'est une action et une action apparente. D'accord ? Parce qu'on fait quelque chose d'apparent, on sort quelque chose et on donne. Après, as-siyam, c'est une action qui est apparente, mais en même temps, elle est cachée. Elle a deux aspects. Al-hajj, c'est une action apparente. D'accord ? Fiqh al-hadith, c'est une action apparente. C'est une parole. C'est pas une action, c'est une parole. Ensuite, fiqh al-hadith, donc voilà, c'est ça. Wa-ada ou l'amana, le fait de rendre le dépôt à ses ayants droit, pareil. C'est une action apparente. Bir al-walidain, c'est une action. Al-amr bil-ma'ruf, c'est une action. Ça peut être une parole aussi. Dire à quelqu'un, ça serait bien que tu fasses la prière ou croire en Allah, et ainsi de suite. Donc, ce sont des paroles. Donc là, on voit qu'il y a un ensemble d'actions que le serviteur doit accomplir et qui, en les accomplissant, a des bonnes actions et a une récompense, aura une récompense auprès d'Allah. Et à travers ça, Allah le préserve dans cette dunya wa fil akhirah. وكذلك حب الله ورسوله ورسوله وخشية الله وخشية الله وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص الدين له والصبر والحكم والحكم والحكم والصبر لحكمه والشرك والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله عبادة لله. Là on a vu d'autres donc là on voit là il a donné encore d'autres exemples et il en est ainsi aussi parmi les actes, parmi l'adoration, l'amour d'Allah. Mais finalement tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime Allah. Donc finalement, en gros, l'amour d'Allah est au-dessus de tout, ou du moins, si on verrait lirait dans d'autres livres, on verrait que c'est en fait, il y a des actions de base, et ensuite il y en a qui en découlent. Et en fait, tout ce qu'on vient de dire, en fait, ça découle de l'amour d'Allah. Parce que celui qui n'aime pas Allah, il ne va pas être poussé ou amené à faire tout ça. Et après, l'amour a des degrés aussi. Donc il y a aussi l'amour donc d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, on essaie d'y aller tout doucement. Un petit pas, en fait, on met un pas, on tâte, on voit si c'est stable. On voit si on peut mettre un appui, et là on passe, on met un appui, on lance notre jambe. On va y aller, on va y arriver. Là c'est vraiment de donner à chacun des bases, et ça peut, pour certains qui les ont, ça peut être que c'est un rappel aussi. C'est un rappel pour tout le monde, histoire que finalement, ces sujets-là, en fait, ils sont à voir, ils sont à revoir, à revoir et à revoir. Pourquoi? Parce que l'être humain, il oublie, parce qu'on est dans une situation. On est emporté par la vague. Mondialisme et de la mondialisation et de tout ce qui s'ensuit. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, si tu reviens, tu repars, essaie de suivre. Khair, Inch'Allah. Donc là, on voit d'autres exemples d'adoration, oui. Et on a donc cité l'amour d'Allah, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah, le retour vers lui, l'exclusivité dans la religion, c'est-à-dire de l'unifier vraiment dans tout, même dans tout ce qui ne concerne pas les actions qu'il nous a demandé de faire, mais vraiment de se tourner vers Allah et que vers Allah. Et là, ça va toucher, je pense, tout le monde. On n'a pas la patience. On a tous des aspects, on est impatient. Et ça, c'est naturel, c'est humain. Et c'est pour ça que c'est une adoration, en fait, de patienter pour l'amour d'Allah, parce qu'on est soumis à lui dans tout ce qui nous a légiféré nous concernant. Donc, la patience dans son jugement. Et d'être reconnaissant par ses bienfaits et d'accepter son décret. وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ, de placer sa confiance en lui. وَالرَّجَاءَ لِرَحْمَتِهِ, et d'espérer sa miséricorde. وَالْخَوْفُ لِعَذَابِهِ, d'avoir peur de son châtiment. وَأَمْثَالِ ذَلِكَ هِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ, et d'autres exemples aussi qui font partie de l'adoration d'Allah. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم, كمن ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو طاف لغير الله ونحوه. Donc celui qui accomplit une de ces choses qu'Allah a déterminé, qui fait partie de son adoration, il a certainement associé à Allah. comme celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, ou celui qui prie pour autre qu'Allah, ou celui qui fait le tawaf pour autre qu'Allah, ou celui qui prend comme jugement autre qu'Allah, ou celui qui prend comme législateur autre qu'Allah, et ainsi de suite, parce que malheureusement, le shirk et le kufr de notre époque n'est plus à ce niveau-là. On sait, c'est clair, c'est flagrant, il n'y a même pas besoin de se poser la question, on le sait par définition. Par contre, celui qui est très subtil, mais le shirk et le kufr de notre siècle, de notre époque, c'est le shirk et le tahakkum, c'est la législation, c'est le fait d'être jugé par rapport au calendrier d'Allah. Ça, c'est un shirk, malheureusement, qui n'est pas étudié, qui est absent, et la majorité des gens n'ont jamais entendu parler. Donc, celui qui vient à mettre, qui vient à accomplir ça pour autre qu'Allah, a certainement associé avec Allah, et le fait qu'il est associé avec Allah, il est exclu, il s'exclut lui-même de la sphère de l'islam, et son retour ne peut se faire qu'après un repentir, d'accomplir les conditions du repentir. Donc, Dalil wa ala dalik, la preuve de ce verset, de ce qu'on vient de citer, قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون donc Allah il dit que celui qui invoque يدعو mais on a bien vu que attention des fois on fait des explications de métafacir juste histoire que vous compreniez. Donc, ومن يدعو الدعاء هي العبادة. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation et l'adoration. Ou, dans une version, الدعاء هي مخ العبادة. L'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. D'accord ? Ça veut dire que toute cette adoration, ça parle, c'est une دعاء. Il y a دعاء المسألة, دعاء العبادة, et ainsi de suite. Ça, c'est des détails dans l'adoration, des spécificités qu'on verra plus tard, je ne préfère pas vous embrouiller avec ça, comme il dit, on va y aller doucement. Donc, donc Allah, quand il dit, ça ne veut pas dire que c'est lui qui ne fait que invoquer Allah, parce que toutes les invocations sont une dua, toutes les adorations sont une dua. La prière, c'est une dua. Il y a une partie pour Allah, une partie pour le serviteur. Et la partie pour les serviteurs, elle commence par Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dans Sourate al-Fatiha. Donc, ad-du'a, dans le verset, ça ne veut pas dire l'invocation. Ça veut dire l'adoration. On est ya'budu ma'Allah. Donc, celui qui adore ou qui invoque autre qu'Allah, ou autre qu'Allah, il a un akhar. Qui invoque avec Allah une autre divinité, et qu'il n'a aucune preuve en ceci, ce qu'il est en train d'adorer, son jugement appartient à Allah, ou sera auprès d'Allah. Et certes, les mécréants ne réussiront pas. On voit bien qu'Allah il a parlé de mécréants, c'est-à-dire celui qui vient à être coupable de ce qui vient de citer juste avant, c'est un mécréant, parce qu'Allah dit quoi ? Il n'a rien là, il ne sait plus qui a fait. Pas les mécréants qui t'assurent les gens, il est derrière. On finira sur ceci. Sur l'explication de Ibn Kathir sur ce verset-là. يقول تعالى متعودا من أشرك من أشرك به وعبد معه سواه ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له به أي لا دليل له على قوله فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وهذه جملة معترضة وجواب الشرط في قوله إنما حسابه عند ربه أي الله يحاسبه على ذلك. Donc l'explication, ou du moins une approche de l'explication de ce verset, يقول تعالى, donc Allah il dit, متواعدا من أشرك, en menaçant ceux qui viennent à lui associer quelque chose avec lui, وعبد معه سواه, qui a adoré avec lui autre chose, مخبرا, en l'informant que celui qui associe à Allah et qui n'apporte pas de preuve, la burhana lahu bih, ça veut dire qu'il n'a pas de preuve sur quoi il n'a pas de preuve pour affirmer ce qu'il dit ou ce qu'il fait, parce qu'on a bien dit que l'adoration c'est quoi, ce sont des paroles et des actes, donc il n'a pas de preuve sur, donc celui qui n'a pas de preuve et qui fait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il vient à dire des choses ou qui vient à croire en des choses ou qui vient à faire des actions en pensant se rapprocher d'Allah, et bien celui-ci a associé à Allah. Et celui donc qui n'a pas de preuve, Allah dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, et celui qui donc invoque en même temps qu'Allah une autre divinité sans avoir la preuve de ce dont il ce qu'il avance, il aura des comptes à rendre. Et c'est ce qu'on retrouve dans ça, c'est dans la langue arabe, on a dans la langue arabe de Jawab al-Shart, c'est-à-dire que il y a une phrase, mais une phrase, elle est conditionnée par une question. Enfin, cette phrase est formulée sous forme de question et elle implique une réponse. Donc, on appelle ça Jawab al-Shart, la condition de la réponse. C'est celui qui fait ceci, bah, qu'il s'attende à ce qu'il soit jugé par Allah. Ça veut dire que son compte revient à Allah. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. Ça veut dire que celui qui se rend coupable de ça, il n'aura le jour du jugement pas de réussite et pas de salut. La فلاح لهم ولا نجاة. Il ne sera pas secouru ni il réussira. Parce qu'ensuite on a ومن الأدلة على التوحيد الألوهية. Ensuite, ça va être le prochain chapitre, Inch'Allah, sur التوحيد الألوهية et les preuves du التوحيد الألوهية. C'est une sourate qui parle d'association envers Allah Azza wa Jal et qui ou quoi que ce soit, et en plus de ça, sans preuve. Allah Azza wa Jal cherche à chercher, c'est bien ça. Oui. Après, on verra de toute façon les règles dans l'adoration d'Allah, c'est que toute action est interdite sans preuve. Donc tout ce qui concerne l'adoration d'Allah, tout est interdit sans que tu aies une preuve. Ça veut dire que celui qui n'a pas de preuve sur ce qu'il doit faire, il n'a pas à la faire. Celui qui a des preuves, il le fasse, qu'il le fasse. Mais tant que tu n'as pas de preuve, et que tu entends des gens, ou que c'est une communauté, ou une civilisation, ou un pays qui l'accomplit, mais que tu n'as jamais entendu parler de ça, tu n'accomplis pas tant que tu n'as pas de preuve et tu n'es pas châtié si tu ne viens pas le faire. Parce que la condition, c'est Al-ilm. Comme Allah a dit dans son livre, أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. Et ça c'était expliqué par l'imam al-Bukhari qui a commencé donc son livre par العلم قبل القول والعمل, la science avant la parole et les actes. On va faire tafsir surat al-Fatiha et après on va faire التفاسير du dernier chapitre 12 عمّة. Non pas dans le nahou, on va dire dans قواعد اللغة. Et après, Nahou, tu as du Nahou pur qui. On va. Le livre intermédiaire que je conseillerais, c'est. Comment ça s'appelle ? On verra, Inch'Allah. On va revoir mardi, Inch'Allah. Réviser, Barakallahu fikoum. ménagez-vous l'esprit, arrêtez de vous polluer l'esprit avec toutes ces informations qui sont bidons. Peut-être que même, étant donné qu'on devait le faire aujourd'hui, qu'on n'a pas commencé, qu'on n'a pas pu le faire, je commencerai d'abord par l'actualité pour finir dans la, niveau de la science religieuse. On fera surtout, je pense, la aqida pour avancer et tafsir pour l'intérim. Jazakallahu khair. Khair. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعذب من عافيت ولا يذل من هديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم احفظنا بحفظك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد فباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في حمد المجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وخذل من خذل الدين وانصر من نصر الدين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين